changer le monde, glisser nos pas dans une ronde, inventer à chaque seconde, et bercé par les mêmes ondes, on aurait pu changer l'hiver, repeindre tous les arbres en vert, juste pour dire que l'on espère être des êtres de lumière, être des êtres de lumière. On n'a pas su changer le monde, on a perdu notre faconde, et voilà que l'orage gronde, les mots s'étouffent, les mots abondent, on a eu bien froid cet hiver, on a glacé nos annulaires, brisé nos rêves, notre univers. Je ne suis plus dans ta lumière, je ne suis plus dans ta lumière. Qui saura que sera le monde? Aucun écho qui ne réponde, aucune voix aussi profonde ne viendra chanter sur mes ondes. Quand donc finira cet hiver qui nous meurtrit l'âme et la chair? Quand donc reviendra la lumière que l'on avait encore hier? Quand nos êtres étaient chers et chers, que l'on avait encore hier? Quand nos êtres étaient cher et cher. Dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé, dé